Et oui, merci d'être avec nous pour ces 40 heures de live, 40 heures de direct. 32e heure, c'est ce que j'ai raconté, il paraît, ouais. Visiblement. À cette heure-là, je crois que je commence à arrêter de compter les heures. Hein. Ouais, voilà, on va juste faire en sorte que ça se passe bien, évidemment. On est avec vous bien jusqu'à 5 heures du matin pour 2 heures pour continuer bien ces 40 heures. On vient, j'allais dire, de quitter, même si vous êtes encore ouais. avec nous, Club Sensation Transpassion. Allez, petit instant auto-promo, Davy, Michael Kronos, c'est comment d'habitude, Club Sensation Transpassion, expliquez-nous tout. Eh bien, c'est le samedi à 22h, donc jusqu'à 23h, et puis, bien sûr, DJ Kronos, normalement, c'est à 23h. Alors, oui, moi j'ai fait une petite pause, après presque 15 ans à Fat Jet, j'ai fait une petite pause, depuis 2 ans, je ne fais plus d'émission, parce que j'ai plus trop le temps. Aïe. Mais ça me titille toujours. Bah, on a bien vu, là, tu t'es fait quand même plaisir pendant quasi une heure et demie, deux heures. Un bijou, là. Retour comme ça, voilà, en direct, en mix en direct, voilà. Bel exercice aussi. Exactement, ça va nous motiver. Ouais, non, clairement, j'ai envie de refaire une petite émission. Donc, je verrai avec le directeur programme. Ah bah écoute, je suis sûr qu'on sera très heureux de t'avoir à nouveau à l'antenne, en tout cas. Également avec nous, eh ben, Stéphane Collin. Tu préfères qu'on te présente comment? Comme tu veux, Stéphane Collin. Ouais, ça me va très, très Stéphane, bien. Ça me va très bien. Ah, oui. Une voix que nos auditeurs connaissent très bien parce qu'on t'entend toutes les heures entre deux musiques et là depuis le début des 40 heures on t'entend souvent aussi parce que peut-être un peu trop souvent. il n'osait pas le dire. On peut le dire, tu es monsieur Jingle de Radio Fadjet. Ben, de plus en plus, ouais. On avait commencé par quelques petites intros au début et puis le coup-ci ça y est, on en fait souvent pour plein d'émissions. Et je crois que c'est ta première émission en live direct. Je n'ai jamais fait de radio, donc voilà. Eh ben, bienvenue, voilà. Ça s'appelle un baptême. Bravo. Tu commences dans des belles conditions, quand à même. À 3 heures du matin. Oui, écoute, voilà, bon, c'est des conditions. D'habitude, il n'y a pas toujours deux DJ avec nous qui sont des battles pendant 3 heures. Ils nous ont réveillés, là. Ah oui, là, j'espère que vous avez un petit peu dans l'idée de sortir. Il a bousillé le lino, là. Il a fait un trou devant. J'ai fait des trous, là. Catastrophe. Bon, écoutez, nous, pendant ces 40 heures, on se dit tout. On va pas se mentir. Il y avait deux salles, deux ambiances pendant quelques heures. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait le deuxième étage où on a nos studios où c'était bon, bah, la musique que vous avez entendue pendant 3 heures, battle de DJ, tout ça. Et puis Stéphane, on peut le dire, nous on s'était installés tranquillement au rez-de-chaussée. On peut le dire. Notre petite charcuterie que tu nous as ramenée qui était excellente. Oui, il semblerait. Petite bouteille de vin avec modération. On disait tout à l'heure, il nous manquait juste le quatuor à cordes. Le quatuor à cordes et vraiment, c'était deux salles, deux ambiances. Mais. Étonnamment, la charcuterie et le vin blanc se marient très bien avec le hardstyle. Voilà, on a appris quelque chose. Voilà, 40 heures, on fait des expériences aussi. On essaye. Mais en tout cas, c'était un beau moment. C'est aussi ça, finalement, ces 40 heures de Radio Fadjet. C'est aussi plein de profils et plein de gens qui se rencontrent. Mélange. Dans quelques instants, d'ailleurs, Agathe nous rejoindra autour de cette table. Elle est en train de s'installer. Bon, il est 3 heures, le réveil a été rude pour elle. On va évidemment lui pardonner. Elle arrive dans quelques instants, bien sûr. Je la vois, la pauvre, elle est en train de s'asseoir, elle a couru les escaliers, elle est tout essoufflée. Prends ton temps, Agathe, ne t'en fais pas. Recoiffe-toi. Oui, en plus, j'allais dire, à la radio, ça se voit moins bien, mais on est quand même filmé, on est toujours en live sur le Facebook Live. Voilà. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre, bien évidemment. Installe-toi derrière les platines, Agathe, on n'entendait que toi pour nous faire les musiques, bien sûr. Tu vas nous mixer, quoi. Comment ça? Ah non, c'est toi qui nous fais les platines, là. Attends. T'es arrivé la dernière, ils sont où les croissants? C'est très bien, là. Alors, les croissants, à ce temps-ci, et ben, il y en a pas. Pas encore. Mets-toi en face de la table de mixage, c'est parti, là. Allez, vas-y, voilà. Hop, c'est facile, c'est tout facile. Ils font semblant d'appuyer sur des boutons depuis tout à l'heure. Ça va tout seul. À 3h du matin, c'est ça? Je les ai regardés pendant une demi-heure tout à l'heure. Ils sautent comme ça tous les deux, ils font un petit peu semblant avec des petits. J'allais dire, est-ce qu'ils font pour de vrai ou est-ce qu'ils font pas semblant? C'est une drôle de question. C'est pas enregistré, c'est vrai. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de boutons pour faire peur aux gens, ils appuient sur 3 boutons à tout casser. On a bien compris. Parce que sur l'ordinateur, moi j'ai vu, c'était un film. Hein, ça avait rien à voir. Regarder un film en direct. Hein. C'est parce qu'ils regardaient, je ne veux pas savoir à cette heure-ci. Mais... Ah, mais t'as que USB, on n'aura une copie. Non, merci, hein, bien sûr, pour ces 3 heures de mix quand même. Hein, on rigole bien, mais c'est. Nous, ça fait plaisir. Bah ouais, non, mais quand même, 3 heures de mix, déjà, il faut les tenir. C'est bien. Ça. Ah, tout à fait. Surtout qu'en plus, vous m'avez quand même lancé des petites pépites. J'ai eu un remix de Zaz. Donc ça, déjà, ça, moi, j'ai client. Et un remix de l'Eurovision. Vous faites tout pour me faire heureux. Là, je suis heureux. Un remix on l'avait deviné. Bah mais non, mais vous avez compris mes passions, effectivement. Magnifique, comme quoi la musique, on peut vraiment en faire tout et n'importe quoi avec, et ça c'est beau, ça fait plaisir, évidemment. C'est pour le quota français aussi, également. Bah c'est ça, non mais tu peux tout faire, et ça c'est exactement. Beau. Effectivement. 3h du matin, merci d'être toujours avec nous, évidemment, on l'a dit, 32e heure de live. Bon, messieurs, après ces 3h de mix, est-ce que vous avez encore un peu d'énergie quand même? Ah oui. Oui, ouais, c'est là, c'est bon, je me suis requinqué. Oui. Donc, ouais. Surtout que toi, je crois en plus, Davy, t'enchaînes là sur les heures qui arrivent, t'es beaucoup avec nous, il me semble. Ah, oui, tout à fait. Oui. Tu fais la matinale aussi, je crois, ce matin. Oui, tout à fait, avec Agathe. Avec Agathe, qui a dormi et n'a pas fait 3 heures de mix avant de venir. Non, j'ai pas beaucoup dormi. Va redescendre d'être resté toute la journée à Fadjet. Je crois que j'ai calculé pour l'instant, je suis à presque 20 heures à la radio. Pas mal. Et en tout, j'aurais fait entre 23 et 25 heures de. Pas de direct, mais en tout cas, être à la radio présent, jusqu'à ces midi là qui vont arriver. Bah, donc, tu peux jusqu'à 35 heures, c'est bon. J'aimerais bien, mais. On est quasi sur une semaine de boulot en un week-end, quoi. Pourquoi pas? C'est ça aussi l'esprit Fadjet, les 40 heures. Parce que c'est vrai que c'était portes ouvertes tout au long de cette journée, de 10h à 20h. Et toi, tu accueillais les gens, tu as vu pas mal de gens. Alors moi, j'étais pas trop là puisque j'ai dormi. Hein, voilà, t'es parti me coucher à 6h hier. Oui, bah, vous m'excuserez, j'ai besoin de sommeil aussi. Mais c'est Agathe, force de vente. Tu n'es pas un robot. Venez, pas encore. Moi, j'ai vendu du poisson hier, clairement, c'était ça. Allez, vas-y, prends mon bag. Vas-y, c'est bien, on est bien. Viens. Tu veux pas un petit bag? Allez, prends le petit bag, je te fais un tarif. Allez, vas-y, sois tranquille, viens. C'était un peu ça. Ah ouais, c'était ça. Mais il faut soutenir la radio, donc j'ai essayé de trouver des partenaires publics visiteurs. Ouais. En tout cas, on remercie aussi tous les gens. Bon, je pense qu'à 3h du mat', ils sont en train de dormir, ceux qui sont venus visiter la radio, à mon avis, mais merci à tous ceux aussi qui nous ont fait vivre ces 40 ans, ces 40 heures. C'est aussi grâce à vous que ça se fait, c'est aussi grâce à tous nos auditeurs, grâce à tous ceux qui sont venus nous rendre visite pendant ces portes ouvertes. Merci encore à toutes et tous, et merci bien sûr aux bénévoles et à ceux qui font vivre l'antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, parce que on oublie de le dire aussi, mais Fadjet, c'est des programmes tout au long de l'année, tous les jours de la semaine, quasiment à toutes les heures, des bénévoles qui sont passionnés par ce qu'ils font, des bénévoles qui sont là aussi depuis pas mal de temps. Mon cher Davy, je me retourne un peu vers toi, parce que... Le taulier. Je vais peut-être pas dire que t'es aussi vieux que la radio, mais... Pas loin. C'est un peu vexant. Quand même. Oh, 40 ans, ça va encore, c'est un bel âge, 40 ans. Oui, c'est un bel âge. T'es arrivé en 96. Oui, c'est ça. Il est arrivé avant que je sois né. Aïe. Mais moi, je trouve que c'est respect, franchement. Ouais. Respect. Ouais. T'imagines, moi, en 96, je faisais mon service militaire. Moi. T'imagines. J'ai encore fait ça. J'ai encore fait ça. Imagine que nous, on ne sait pas c'est quoi le service militaire. C'est pas grave. Stéphane vous a parlé de sa carrière. Parce que Stéphane et sa carrière, c'est quand même pépite. On a deux heures. On aura le temps de l'aborder. Mais Davy, moi, j'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce qui te plaît autant aussi à Radio Fadjet? Qu'est-ce qui fait que tu y restes depuis 96, en fait? Eh bien, c'est la liberté, c'est les choix musicaux, c'est l'ambiance, on fait des belles rencontres, on a un pouvoir libre. Ouais. Et on peut le dire aussi, toi t'es un vrai passionné de radio aussi, aussi notamment sur son aspect technique, parce que tu nous aides aussi énormément au quotidien, et je pense quand on est passé au DAB+, qui est un petit peu la grande révolution de la radio, t'as été une des personnes qui nous a énormément aidé aussi à faire ce passage en DAB+, qui nous a conseillé, c'est quelque chose qui toi te passionne aussi réellement, quoi. Ah, tout à fait, vraiment les ondes, sachant aussi que je suis radio amateur dans le personnel, donc on toutes les ondes, des ondes courtes jusqu'au satellite, et donc capter des stations, et c'est vraiment impressionnant. Alors pour les novices, DAB+, c'est quoi? Alors, le Digital Audio Broadcasting. Yeah. Oh là là, voilà. Quel accent. International accent. Voilà. Yeah. Right. En français, la radio numérique terrestre. Ah, moi, je préfère en français. RNT. Voilà. Mais globalement, c'est un mode de diffusion qui permet de diffuser encore plus de, ouais, d'infos, qui permet de... Voilà. Aujourd'hui, quand vous allumez la radio, vous pouvez avoir le titre de la musique, le logo de la radio, etc. etc. Bon, ça, tout ça, c'est un peu possible grâce à ces évolutions, grâce au DAB+. C'est un petit peu la mise à jour de la FM. Et la FM tend à disparaître aussi. Voilà, d'ici 2030-2033. Ah ouais, voilà. Ce sera disparu, en plein. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. C'est le projet. Il va lâcher une petite larme, Stéphane. Encore quelque chose qui disparaît. Mais voilà, vous voyez que la radio, c'est aussi un univers qui peut très vite devenir complexe aussi, et donc on est toujours très heureux d'être aussi bien entouré. Aussi à Fadjet, on a cette chance d'avoir des vrais passionnés qui nous aident aussi pour ces aspects plus techniques, ces aspects qui sont moins abordables quand on ne s'y connaît pas, hein, on va pas mentir, parce que c'est vrai que même moi, quand on a commencé à parler de DAB+, bon, j'étais un peu perdu comme tout le monde, et grâce à des gens comme Davy, on comprend mieux et on arrive aussi à savoir si oui ou non il faut y aller, parce que ça représente aussi des frais supplémentaires pour la radio, savoir si ça va être intéressant ou pas, est-ce que ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est aussi grâce à des passionnés et des bénévoles comme Davy qu'on peut faire ce genre de décision. Donc encore merci de nous aider. De rien, avec plaisir. Oh là là. Au quotidien. Et donc la matinale, c'est aussi. Ton heure de gloire. Ah bah là, voilà. Après ces 3 heures de mix, il faut absorber les ondes positives. Après par contre, c'est fini, Davy. Il n'y a plus de promo, il n'y a plus rien du tout jusqu'à midi. Finito. Tu dis ça. Et d'un autre côté, il y a la matinale qui arrive dans pas longtemps. Davy aussi, taulier de la matinale. Ça fait combien de temps que tu nous fais la matinale, toi? Alors je ne sais plus, parce que j'ai arrêté, j'ai repris, en 37. J'ai arrêté. Je ne sais plus, je sais que j'avais fait avec Steve à l'époque, et après j'avais arrêté, et j'ai repris vers 2013-2014. Oui, ça fait quand même quasi 11 ans que tu fais de la matinale, quasi non-stop quand même. Oui, tout à fait. Ok, voilà, te lever. Alors, la question c'est, est-ce que tu te lèves tôt ou est-ce que tu y vas en nuit blanche après avoir mixé toute la nuit? Non, ça va, j'y vais tôt. tu dors quand même un peu avant d'y arriver. Voilà. Bon, très bien, ça nous rassure, évidemment. Agathe est avec nous. Comment vas-tu, ma chère Agathe? Ça va. Petite nuit, je dirais même sieste, à ce niveau. Que tu nous disais, effectivement, après cette belle journée que tu as passée à accueillir tous les visiteurs, l'adrénaline, l'énergie du moment. Pas possible de dormir, mais c'est pas grave. Je pensais à ce que j'allais faire à la radio. J'étais bien, j'étais installée dans mon lit au moins, c'est déjà ça. Est-ce que tu as écouté Club Sensation Transpassion? Ce qui peut expliquer pourquoi tu ne dormais pas. Voilà, c'est peut-être ça. Parce que si tu t'endors quand nous on mixe, là c'est pas bon. Nous on a raté le truc. Malheureusement, j'ai même pas voulu essayer parce que je me suis dit si je déconnecte pas. Mais je suis de retour jusqu'à. Voilà, tu fais la matinale aussi jusqu'à ce que le sommeil s'ensuive. Exactement, je serai avec Davy à la matinale. Davy va faire la première heure à la technique encore. Mais oui, parce que voilà, on l'a dit, il aime la technique. Voilà, on le sait, il aime les boutons, il aime les câbles. Il y a plusieurs boutons, c'est tout. Oui, voilà. Est-ce qu'il fait semblant quand il fait la matinale? Mais c'est comme être DJ. On a 1 milliard de boutons en technique, on en appuie que sur 3. Le reste, le c'est de la poudre rouge. J'ai les 2 boutons verts. Exactement. J'ai bien compris. Exactement. Et donc après que tu aies fait une heure de technique, eh bien je te reprendrai à la matinale. Et tout bien, tout honneur, bien sûr. Oui, tu te prendras la technique sur la table. Ah, vous êtes en forme. Ah, écoute, nous, on n'a pas dormi. Je te le dis. Et toi alors, t'es à ta combientième heure? Parce que là. écoute, moi la dernière fois que j'étais en studio, c'était pour une heure avec le père Guy, donc de 20h à 21h. Qui était une belle émission. On a profité pour souhaiter l'anniversaire du fondateur de Fadjet, parce que c'est les 40 ans de Radio Fadjet, créé un 7 février, mais le 8 février, c'est l'anniversaire d'un des fondateurs de Fadjet, quand même plutôt beau aussi. Donc on a profité pour faire le double anniversaire sur ces 40 heures. Et sinon, depuis 21h, 22h, Je suis un peu plus en ambiance bar-bistrot avec Stéphane, avec qui on a lié une amitié très très rapidement. Ah, quand ça, même. Ça se passe bien. Je crois que. Merci la charcuterie. Oh, c'est ça, la charcuterie. La charcuterie qui a tout fait. Peut-être que le vin blanc a un peu aidé aussi. Voilà. Avec modération. Avec vous modération. Vous avez bu du vin blanc ici? Non, pas en studio. Alors oui, attention, pas en studio. On va se faire tripper au studio. Moi, c'est la première fois que je viens, je vais me faire foutre dehors. Vous allez nous ramener la charcuterie dans le studio. Non, quand même. En tout bien, tout honneur, dans la salle d'accueil, tout à fait entre nous. Quoi. Je le dis pour les bénévoles de Fadjet, j'ai eu un avant-goût de ce qu'il y aura aussi à midi. Soyez là. Je le dis aux bénévoles de Fadjet, soyez présents vers midi, vous ne regretterez pas, bien sûr. Mais c'est ça aussi, voilà, la radio et la force des radios associatives, c'est aussi des rencontres, des gens avec qui on n'aurait pas forcément croisé le chemin dans d'autres conditions. On serait peut-être pas vu en e-sport. Hein, voilà, parce qu'on a parlé, on a partagé nos passions respectives. Voilà, il m'a parlé de boudin noir, je lui ai parlé de jeux vidéo. Chacun sa passion, mais c'était en un bel bien, échange. Tout honneur aussi. Vous le précisez un peu trop là. Boudin noir, sport, c'est vrai qu'on se pose des questions quand même. Au bout d'un moment, ça. Non, au bout d'un moment, bravo, jeu de mots. Bravo. À propos, il n'a pas fait exprès. Il est 3h16, on s'excuse, chers auditeurs, vraiment, veuillez nous pardonner. Mais voilà, c'est aussi ça, l'ambiance de Radio Fadjet, les 40 heures. Bon, ma chère Agathe, c'était... En plus, j'ai une carte de... Tiens, bon Valentin. Il faut encore que je tienne 2 heures, après je peux souffler. Ma chère Agathe, je crois que tu nous as préparé aussi des petits jeux, des petites choses petit peu pour... J'ai pas de croissant. Mais j'ai des quiz. Voilà. En France, on n'a pas de croissant, mais on a des idées. Ouais. Bah, tu sors, t'as pas de croissant, tu sors. Mais que veux-tu, je suis passée devant une boulangerie, ça n'était pas ouvert. Trop tôt. Même les boulangers dorment à cette heure-ci. Ils travaillent plus les boulangers, c'est pas possible, ça. Je crois qu'à 3h du mat'... Il y en a deux. Ça se dit encore, que veux-tu? Que veux-tu? Oui, chez moi, ça se dit, mon bon monsieur. Mais que veux-tu? Non, je me fais chambrer avec sans partir. Reste un peu. Fais-nous jouer au moins un petit peu. Et puis on verra. Alors, j'ai deux quiz pour vous. Alors, lequel? Tu me dis un ou deux? Tu choisis. Deux. Bah, deux. Va pour deux. Moi, ça me va. Donc, c'est un quiz sur des chansons sorties en 83. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, je vais vous donner des petits indices et vous allez devoir trouver la chanson. Okay. Est-ce que vous êtes chaud de chez chaud? Toujours pris les codes des DJ. Est-ce que vous êtes chaud, Radio Fadjet? Nous sommes prêts. On a un coup de rivière. Attention, vous tirez sur la chevillette à la bobine de Chérin. Bon, allez, c'est une chanson, c'est long, c'est lointain ça, 83. Ah bah écoute. C'est une chanson parue sur un album appelé 3. 3, d'accord. C'est de la New Wave. Oulololololo, c'est français. C'est français. Oula, français et New Wave dans la même phrase. Ne t'inquiète pas. Cette chanson, elle a été reprise par le groupe lui-même, qu'il a sorti en featuring avec Christine and the Queen en 2020. Oh, ça sent pas du... Indochine. Ça sent de l'Indochine. Et quelle chanson, quelle chanson. Troisième sexe. Troisième siècle. On va y arriver. Troisième sexe. J'allais dire, voilà, en plus, elle est connue pour être un hymne à la tolérance sexuelle aussi. Et donc, c'est l'un des titres les plus connus d'Indochine. Petit extrait. J'essaie d'être au taquet. Je vais essayer de trouver au fur et à mesure. Ah, quand il pousse pas, il est bon. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est la version originale. J'ai pas mis la version avec Christine. Suivante. Et alors, c'est une chanson qui a été classée à la première place du Billboard Hot 1 américain, donc en 1985. Là, vous vous dites... Mais on se dit rien, Agathe. J'aime bien parler toute seule. Mais on le pense seule, très ça. Fort. Je fais une émission toute seule, donc j'ai l'habitude de faire les relances, les questions, les réponses avec Agathe. Je suis polyvalente. Donc, c'est une chanson qui est connue comme étant la BO du film The Breakfast Club. Ah, Alors, j'ai la, je pense que j'ai la musique en tête, vas-y, mais j'ai pas le titre. Vas-y, chante, chante. Chante. Don't you remember oui, about me. C'est exactement ça, c'est le titre. C'est Don't you forget about me. Don't you forget about me. Donc, incroyable. J'allais dire, c'est même la scène finale du film, et donc, c'est une chanson du groupe Simple Minds. Ah, je vais voir si je la trouve. Attends, oh, je pense. Pas. Je comble. Vas-y, super combler. Scène d'ailleurs, Breakfast Club, avec le un des protagonistes qui sort comme ça, voilà, le bras en l'air. Ah oui, j'ai connu la musique, ah oui. Pour l'anecdote, j'avais cette réponse grâce à un autre film, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Pitch Perfect. Pitch Perfect, Anna Kendrick, voilà, qui regarde le film. Où cette musique est reprise également dans la scène finale du film, qui est un gros medley de plein de chansons, où il y a cette chanson en particulier. Merci Anna Kendrick de m'avoir donné cette réponse. Moi aussi j'adore Pitch Perfect. Quel numéro, le 1, le 2, le 3 ? Celui-là, c'est le final du numéro 1 de Pitch Perfect 1, qui est le meilleur, même le si meilleur. J'adore les trois parce que. Voilà. Moi, tout mon amour à Rebel Wilson, vraiment, je. Incroyable. Meilleure comédienne. Effectivement. Meilleure comédienne. Allez, on continue. Avec grand plaisir. C'est un titre français d'un groupe de rock, donc français, très très populaire. Le titre est même le dernier single du groupe, marquant leur séparation en 1986. Téléphone. Donc ça, on est sur téléphone. Leur dernier titre avant leur séparation en 86. On est sur téléphone. C'est un titre donc composé par Jean-Louis Aubert, Téléphone. Alors, quel est le dernier titre de Téléphone ? Cendrillon ? Non, plus qu'un petit peu. Non, parce que Cendrillon, c'est. On voit louper des pépites. Non, alors c'est un titre relativement calme, plus doux que certains autres titres. Qui parle. Vous parlez, c'est pas la bombe humaine. Non, c'est pas la bombe humaine. C'est un titre qui parle du jour qui. Le jour s'est levé. Le jour s'est levé. Sorti en 85, dernier titre de Téléphone. Idée. Exactement. Ah, oui. Ta-da-da, ta-da-da. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrai. Ambiance. Très joyeux. Et joyeux 40 ans, Fadjet, bien sûr. Donc 85, cette 85, musique. 85, et oui. Incroyable. Très belle musique. Bon, Téléphone, un groupe que personnellement j'aime beaucoup, notamment Cendrillon. C'est pour ça que je disais Cendrillon tout à l'heure, qui est une de mes chansons préférées. Ça doit être. C'est pas Jean-Louis Aubert qui l'a composé, ça doit être Louis Bertignac. Bertignac, oui, je pense. Effectivement. Il te reste deux musiques, c'est ça ? Oui. Faire découvrir. Eh bien, écoute, c'est parti pour l'avant-dernière. C'est un titre français de New Wave encore, mais c'est l'époque, hein, de toute façon. 85. Indochine. Typiquement un titre de soirée. Oula. Ah oui, oui, oui. Ah, soirée 85. Les paroles sont simples et efficaces. Non, pas début de soirée. Elle aborde le besoin de trouver un partenaire particulier. Voilà. Cherche partenaire particulière. 85 aussi. Hein. Ouais. Oui, bah c'est bon. Ah, ça nous rajeunit pas. Hein. Ne nous regarde pas comme ça. Moi, j'ai rien dit. Oui, bon. Tu te sens bien tout seul. C'est les yeux, c'est les yeux. Version maxi. Oui, c'est la version longue. Version longue, c'est bon, on peut la mixer, celle-là. Celle-là, elle dure jusqu'à midi. Ouais. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ah, quand même, le fameux synthé de partenaire particulier, hein, bien évidemment. Chanson qui n'a pas si mal vieilli, je crois qu'encore tout le monde la connaît aujourd'hui. Hein. C'est vrai que quand tu dis la musique de soirée, le one shot, on est en plein dedans, hein, effectivement. Ça, les démons de minuit, et puis je crois qu'on de la soirée est réussi. Hein. Moi, en soirée, quand j'étais au lycée, ça s'écoutait encore et c'était la musique de soirée. Un peu de la banalité. Et ce qui est bien, c'est que le nom du groupe, c'est le nom de la chanson. Comme ouais, ça, si t'as un doute, en blind test, tu l'aimes bien celle-là. voilà. Tu te dis juste partenaire particulier, tu as tout le monde pour les deux. Ils ont fait simple, hein. T'es cherché trop loin quand même. Et puis c'était un one shot, quoi. Ils n'ont pas fait autre chose. Hein. Alors, ils ont rien fait d'autre. J'ai une deuxième musique qui s'appelle Je n'oublierai jamais, de partenaire particulier. Ah ouais. Ils ont essayé de faire autre chose. Ils ont fait un double shot. Ça ressemble à ça. Ah, c'est la même quoi, avec d'autres sons, mais c'est pareil. Juste c'est le même synthé décalé d'une gamme en fait. Ça rend le même synthé, c'était. C'était fait... Michel, elles servent à quoi les autres touches là de ton piano? Et ils ont fait une autre musique. Ils ont fait une autre musique. Ça sert à rien, prends les belles. Je savais même pas qu'ils avaient fait une autre musique. Voilà, je n'oublierai jamais de partenaire particulier. On en découvre des choses ce soir sur FedJet. Ah, cette façon de chanter des années 80 avec le toujours comme ça, c'est comme Dépêche Mode aussi, un petit peu. Ouais, bah, c'est ça, clairement. C'était ce style. Et puis traîner un peu sur les airs, des fois, quand il lançait des trucs, oh là là, c'était les années 80. Et on est bien content que ce soit resté dans les années 80 aussi. Restez là-bas. Ok, bah je crois qu'il nous reste une dernière chanson une à trouver. Une dernière, je compte sur toi. Oula, oula, oula. Non, non, comme ça, pas de pression, c'est ça qui est bien. Quoi. C'est un titre art pop, pop, pop, pop, pop. Oh, ça triche. Oh, ça triche. J'aime bien tricher. Art pop, pop, pop, donc. J'ai tout à la caméra, c'est tout est filmé. C'est assez discret. Paru sur l'album Hounds of Love. Le titre, oh, il m'embête, a connu un premier succès en 1985 et un second succès en 2022. Oh là là. Oh là là là là. C'est grâce à une série américaine dans laquelle on suit des ados qu'il a reconnu son deuxième. Ah bah, ça va, c'est pas une série américaine quoi, on suit c'est des une ados. Une série américaine. Ah bon. La série se surnomme Stranger Things. Ah mais oui, c'est la mince. Est-ce que ce serait pas Running Out de Kate Bush? De Kate Bush. Kate Bush, voilà, je vais chercher. Eh ben, ça tombe bien, je vous propose. Regardez maintenant, j'ai fait. Ça m'intéresse plus. Je vous propose qu'on l'écoute sur FedJet 3h27. Vous êtes toujours en plein cœur des 40 ans de Radio FedJet pour ces 40 heures de direct non-stop à la 32e heure. Kate Bush avec Running Up That Hill. FedJet, depuis 40 ans à vos côtés. Feel how it feels. Kate Bush avec Running Up That Hill. Tu le disais, Agathe, qui a musique qui a réexplosé en 2022. Ouais, avec ça. La saison 4. 5 4 Je saurais plus dire quelle c'est la dernière. 4. 4, hein. Parce que j'attends la 5. Donc. Très bien. On a un spécialiste. Bonne saison. Avec une scène emblématique de cette saison du personnage de Max. Ouais. Je te laisse me corriger, Davy, si je dis je pas n'importe quoi. Plus, ça fait un petit moment. Mais... Voilà, mais qui s'envole dans les airs avec cette magnifique musique. Kate Bush, Running Up That Hill. Musique qui a plutôt bien vieilli, ma foi. Je peux lancer un mini-débat ? Bon, allez, vas-y, c'est l'heure. Selon vous, la meilleure saison de Stranger Things ? Moi, je trouve que la dernière, c'est la mieux travaillée, ouais. Avec l'espèce de démon là qui est vraiment bien fait. Ouais. Moi, je suis pas fan de la première. Je sais que je me fais toujours engueuler quand je dis que je suis pas fan de la première saison de Stranger Things. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit suspense sur la première, mais. Ouais. Bon. Je suis un peu comme toi, Agathe. La première, j'ai du mal à me mettre dedans. Ouais. Et après, ça s'améliore. Et puis la dernière saison, il va en prison. Super. Et puis après, il y a l'espèce de démon qu'on voit là, avec le monde parallèle. Moi, j'ai adoré. Hein. Ouais. Ça monte en puissance avec les saisons. J'avoue que j'ai regardé que la saison. Ah, si, si. Bah, c'est la moins bien, moi, je trouve. Je ne peux pas participer à ce débat. Elle est presque molle, la première. C'est vrai qu'il y a un. Puis après, ça s'attend. On apprend des choses. Après, c'est addictif. Moi, j'ai bien aimé la première saison. J'ai vu que celle-là, et j'avoue que ça lance un univers qui est intriguant, qui est l'air effectivement très bizarre et qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Donc, à cause de Kate Bush, de cette scène qui est devenue emblématique, peut-être qu'à la sortie de la saison 5, j'ai la tour rattrapée. Super. On en reparlera au prochain anniversaire. Eh ben, oui, ça marche. On a pris rendez-vous pour les 80 ans déjà avec Aurélie. Ouais, 80, ça fera un peu long pour parler de Stranger Things. Bon, il y aura peut-être la saison 6 qui sera sortie d'ici là. On ne sait pas. 50e saison. Du coup, Valère, tu vas faire un petit marathon de Stranger Things. Ouais, fais-toi un marathon. Tu te fais 3-4 saisons. Alors, je vais déjà me reposer de ce week-end. On verra ensuite pour le marathon Stranger Things. Les 40 heures de Stranger Things, pas tout de suite. Voilà. Le marathon, tu vas le faire de façon spontanée. Parce qu'une fois que t'es dedans, tu vas enchaîner 3, 4, 5 épisodes de suite. Ah, bah de toute façon, moi, mes séries, je les binge-watch. Tu fais 21h du matin, t'as rien compris. Hein. Voilà. Encore un dernier, allez, 2h du matin, 3h. Mini débat. Vous, quand vous regardez une série, est-ce que vous êtes du genre à être patient, à attendre un épisode, vous regardez un épisode, puis vous attendez, puis. Ou vous enchaînez tout d'un coup Dès que ça sort, je regarde. Ouais. Si j'adore, je peux pas attendre. Ça dépend, s'il y a vraiment un suspense, je veux tout de suite savoir la suite, oui, je regarde la suite. Ouais, c'est, on va dire, simple, on va dire, bon, je peux attendre le lendemain. Ah non, moi, en plus, j'ai ce truc-là qui est un peu horrible entre deux saisons. Et quand je rattrape deux saisons, des fois, ils font des cliffhangers à la fin d'une saison 1. Des fois, je me dis, allez, je regarde le dernier épisode de la saison 1, je prendrai la saison 2 le lendemain. Parce que les scénaristes pensent pas à nous, et du coup. Ils coupent en deux, et disent, il faut commencer la saison 2, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc, il y a de fortes chances qu'effectivement, quand je rattraperai Stranger Things, ce sera tout d'un coup, et je me referai la saison 2. Parce que j'avoue que je me rappelle quasiment plus de la saison 1 non plus, et je referai tout d'un coup et je vous redirai, je reviendrai à Fadjet pour dire ça y est, j'ai tout vu. On fera un débat spécial cinéma, hein. Ça marche. Alors moi, ça va être un peu la catastrophe parce que je ne regarde pas de séries beaucoup, je suis beaucoup dehors, donc je suis beaucoup en extérieur et je suis pas beaucoup devant les écrans. Alors bravo, tu es beaucoup dehors, mais tu es aussi beaucoup en studio d'enregistrement. Je fais des transitions, il est 3h36, je fais ce que je peux. Je l'applaudis. Puisque tu vas nous parler aussi d'une de tes grandes passions. Mais voilà, tout à fait, qui est aussi un de mes métiers. Et qui est aussi un de tes métiers, un métier passion. Un métier, voilà. Comme la radio. La radio, c'est un métier passion. La radio, bien sûr. Tu vas donc nous parler. Un peu des métiers de la voix. Voilà, les métiers de la voix, tout simplement. Je voulais savoir comment vous voyez, vous, les métiers de la voix. En fait, il y a trois grands thèmes dans les métiers de la voix. Comment vous les classeriez, vous, par exemple? Les profs Les comédiens de doublage, peut-être. Voilà, c'est une catégorie. Ouais. Okay. Alors, on dit bien, bravo, monsieur, on dit bien comédien de doublage. Et non pas doubleur. Et on dit pas doubleur, parce que doubleur, c'est celui qui achète les droits du doublage. Très bien. Donc, comédien de doublage. Et aussi parce que très souvent, les comédiens de doublage sont avant tout des comédiens. Ils sont acteurs aussi, parce que. Ils sont comédiens. Pour sentir l'émotion dans la voix, il faut être acteur. Voilà, c'est ça. Quand il faut rentrer dans un personnage, ça demande d'avoir déjà bien travaillé avant. Alors, rentrer dans un personnage. En tout bien, tout honneur. Bien sûr. C'est la nuit. On a c'est le droit la de... nuit. Donc c'est ça, ça fait 1 sur 3. Alors, 1 sur les 3. Chanteur-chanteuse. Non. Oh bah d'accord. Non, c'est... Voix off, qui est une okay. deuxième Ça, c'est version. Vraiment comme ça. C'est con, parce que t'as une en face de toi qui fait les voix off depuis 2-3 ans. Alors, quand... Il fait mes ça voix fait plaisir. Off. Est-ce que quand tu... avec Agathe. quand tu dis voix off, est-ce que tu inclus aussi peut-être un peu les voix de reportage, ce Alors, genre de choses? Alors, ce sera une question après. Ah, très bien. J'anticipe. Non, mais il est fort. On est potes de charcutes. Ah bah, c'est bien. Il y a une connexion terrible. Ah non, mais on est... Voilà, hein. Ah, mon petit filet mignon. Ah, pas à l'antenne, enfin. Tout honneur. Bien sûr. Non, le vin blanc est beaucoup. En fait, il y a un troisième auquel on ne pense pas, mais qui reste de toute façon un métier de la voix. Je vais vous le donner pour ne pas courir jusqu'à 7 heures du matin. C'est le voice-over. Bah, c'est la voix off. C'est pas la voix off. C'est pas la même chose. Ah. La voix off, c'est une voix, donc si on prend le terme anglais, voix off, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'image, qu'on entend... Voilà, qu'on entend sur un spot de pub, etc., etc. Un voice-over, c'est une voix qui parle au-dessus. D'accord. Donc, c'est quand vous regardez un reportage, vous entendez parler dans la langue d'origine. Et je suis actuellement... Oh my God, it's fantastic. Et je suis dans la montagne avec ma femme. A beautiful mountain with my wife. Et nous nous sommes rencontrés au milieu de la campagne. Très bien, donc ça c'est du voice-over. Ça c'est le voice-over. Ok. Et du coup, petit jeu, dans les métiers de la voix off, vraiment, donc si on reste sur la voix off, il y a plein de petits thèmes. Donc vous avez, on a parlé de la radio. Ouais. Vous verriez une voix off dans quoi d'autre comme thème? Bah moi, comme je disais, les reportages un peu télévisés. Voilà, par exemple. Dans ce quartier de la Seine-Saint-Denis, rien ne va plus. Rien ne va plus. Tu fais trop bien. Rien ne va plus. Les jeux télévisés, comme le Big Deal. Tu sais que tu peux faire ça plus tard. Ouais, c'est une voix off. C'est une voix off, en fait. Oui, c'est une voix off. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous en citer. Il y a les clips publicitaires. Ok. Ah oui, bah oui. Les jeux vidéo. Bien sûr. Bien évidemment. Les podcasts. Ouais. Ok. Ça inclut dedans. Okay. Les nouvelles technologies, genre assistant virtuel. Alors, on appelle ça nouvelle technologie, mais c'est pas intelligence artificielle. Hein, c'est vraiment encore, pour l'instant, de la voix humaine. Je parle vraiment de voix humaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vidéos d'entreprise. Ouais. Ok. Tu sais, quand t'as le service com qui fait une vidéo pour présenter la boîte. Et... Bienvenue chez Radio Fadjet. Non, mais... Chez nous, c'est la famille avant tout. Mais j'ai fait il y a 2 ans pour. Incroyable. Bonjour, charcuterie, bon temps. Pour une marque de farine. Une marque de farine. J'ai fait un truc d'entreprise, c'est-à-dire. Wow. Nous sommes, machin. Tu sais, avec une voix comme ça, un peu à l'américaine. Pour de la farine. Ouais. D'accord. Des gens qui produisent la farine en achetant. Tu joues ta ville. Non, mais. Ils vendaient de la farine par centaines de tonnes, je veux dire. Après, quand tu peux te permettre d'avoir une voix off pour ta farine, c'est qu'effectivement tu en vends par centaines de tonnes. C'était le rassemblement de l'entreprise, quoi. Incroyable. Un truc, et puis il y avait une vidéo pour motiver les vendeurs et tout ça. Donc j'ai fait ça. Donc tu as motivé des centaines de milliers de vendeurs de farine. Centaines de milliers de vendeurs de farine, quoi. Ça sur un CV, moi je trouve ça fait classe. Franchement, je sais pas si ça t'ouvre des portes, mais ça fait classe. Tout bien, tout honneur. C'est où tu vends des centaines de milliers de kilos de farine, dis-moi du coup. Ah ben je peux pas donner le nom de la boîte. Non, mais c'est en France. Non, off. C'était une boîte française. C'était une boîte française. Ça c'est la classe. C'était nous sommes. Bip. Voilà. Nous on aura en off. Nous vendons des centaines de. Je vais chercher la farine bip. Alors farine bip. Voilà. Et puis du coup, pour revenir un peu sur le comédien de doublage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un comédien à part entière. Ah oui. Et est-ce que vous imaginez toute la chaîne de travail qu'il y a avant que le mec il soit en face de sa bande rythmo? Alors, la bande rythmo, oui, c'est le texte qui défile. Déjà, il y a la personne qui achète les droits de la série. Ouais. Une personne qui fait les traductions. Ouais. La transcription, ça s'appelle transcription. Peut-être une personne qui va caler le texte sur le rythme. C'est l'adaptateur, ça. Alors, l'adaptateur, lui, il va synchroniser les labiales, ce qu'on appelle les labiales, donc essayer de coller au texte le plus, enfin, aux lèvres du personnage le plus possible, coller aux labiales, les bruitages, tout ça. Donc, ça, c'est le traducteur-adaptateur. Ensuite, il y a l'enregistrement studio par les comédiens. Donc ça se fait jamais d'un seul bloc. C'est fonctionne ce qu'on appelle par boucle. Mm-hmm. Des petites boucles d'une scène, d'une séquence. Et vraiment, ça dépend du travail qui est demandé. Et puis, derrière, il y a le mixage par les ingénieurs du son. Donc, il y a toute une chaîne qui se met en place. Tu peux aussi avoir un directeur ou une directrice de production. Il y a directeur artistique, ouais. Qui vont donner des indications aux acteurs, aux comédiens. Ça, c'est le directeur artistique, ouais, qui est souvent avec les comédiens. Alors, il y a une anecdote là-dessus. Moi, j'ai fait une formation de doublage il y a 2 ans à Lyon, dans un studio pro. Et le gars qui nous faisait la formation sur les films... Il était directeur artistique, il a fait quelques Marvel. Beau petit palmarès. Et il nous expliquait que pour des histoires d'éviter des copies ou d'éviter de diffuser les images, le directeur artistique a lui le droit de voir le film tout seul. Il va dans un studio qui n'est pas en France, qui est caché. C'est triste. Ouais. Donc lui, prend le rêve, une salle de cinéma pour toi. Il prend des centaines de notes, il a le droit de le voir une fois, deux fois. Ah ouais, ouais. Et après, il revient en France. Sans les images. Sans les images. Wow. Et les images qui apparaissent pour les comédiens de doublage, c'est les acteurs sur les fonds verts. Non! Sans les effets spéciaux. Ouais. Donc sans il dit, tu vois, t'as Scarlett Johansson, là, il y a Hulk qui est 3 mètres derrière. Là, il y a une immense explosion. Il va sauter dans le vide. Ouais, c'est ça. Là, en fait, elle est en train de sauter de 4 étages. Là, Alors qu'il est sur un fond vert, elle fait un petit saut et il y a plein de câbles qui l'attirent. Et il y a beaucoup de films qui sont faits comme ça. Donc, ça donne encore plus de valeur aux comédiens. Au doublage, aux versions françaises. Aux comédiens qui font le doublage. Parce qu'ils doivent s'imaginer. Ils s'imaginent. Après, tu peux t'imaginer n'importe quoi. Mais je te dis, c'est le directeur. Après, tu as le directeur artistique, il a des cahiers de notes complets. Mmh. Et puis, la scène-là, il se passe ça. Donc. Et en plus, des fois, les comédiens n'enregistrent pas ensemble. Quoi. En plus, il y en a qui souvent. C'est avec les emplois du temps de chacun et tout ça. Quand c'est des gens un peu connus dans le doublage. Ils enregistrent chacun leur partie, donc des fois, pour que ça se réponde, c'est pas toujours... Oui, pour avoir un côté naturel dans un dialogue. Ouais. Moi, je pense aussi peut-être au tout ce qui va être comédie musicale ou même au film, par exemple, Disney avec des chansons. Il faut être à la fois capable d'interpréter un personnage, mais aussi de chanter. Et puis de savoir créer un personnage. Ouais. Savoir, dans le dessin animé, c'est encore ça aussi, dans l'animé, c'est de créer des personnages en plus, de créer des voix. Créer des voix, pas forcément le personnage, mais créer une voix qui collerait bien au personnage en français. Il y a aussi c'est vraiment franchement on oublie je pense assez régulièrement le travail que c'est un gros boulot d'avoir une version française d'un film d'une série. Et moi je lance le débat du coup sur l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser avec tout ça pour les gens qui adorent l'informatique. C'est moi, bonjour, je suis visé par cette phrase. Non, mais je sais pas, vous avez vu le petit faux buzz qu'il y a eu avec le nouveau film de Stallone? Parce que le comédien de doublage français, il est mort. Ah oui. Il est mort. Et du coup, ils ont utilisé pour la bande-annonce française une intelligence artificielle. Pour recréer la voix. C'est tout pourri, ça marche pas, ça fait pas beau. T'entends la voix de Stallone, mais c'est. ce n'est pas très naturel. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Donc ça marche pas trop bien, mais en fait c'était un coup de buzz. Ils vont quand même prendre. Parce que la fille du comédien de doublage, je suis en train de chercher son nom. Non, c'est pas Benoît Hamann, c'était. Non, Benoît Hamann, c'est. Malheureusement, nous a quitté aussi. Qui est mort, il y a eu une hécatombe. Oui, malheureusement. Attends, je vais te retrouver ça. Voilà. Continue tes anecdotes. Il n'y a pas le gars qui faisait Bruce Willis, celui qui est mort? Je vais te faire la liste parce que je les ai. Je voulais pas plomber l'ambiance. Mais, donc, c'était Alain Dorval. On a une rubrique nécro pour la prochaine heure. Donc, c'était Alain Dorval, il est mort en 2024. Et sa fille, c'est Aurore Berger, elle est au gouvernement. Mais non. Donc, elle acheté tout de suite en disant non, vous n'avez pas eu le droit de l'utiliser, on ne vous a pas laissé les droits de la voix, mais de toute façon, c'était juste un coup de buzz. Ils vont quand même prendre une voix humaine française pour faire le job. Oui, mais je crois que c'est aussi Jason Statham, sa voix. Alors, je ne sais pas si la personne qui s'en occupe est décédée ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a changé de voix dans les films en français. Et ça change tout. C'est dingue. On ne reconnaît pas. C'est surtout, ça ne va pas, la voix, ça ne colle pas. Ça colle pas parce qu'on a l'habitude d'une autre voix. Oui, c'est ça, parce que c'est même pas leur voix. Toi, t'es peut-être trop jeune pour Friends, je sais pas si t'as eu comme. Je suis trop jeune, mais je regarde. Tu sais, il y a. Chandler, il y a eu deux voix différentes. Oui. Est-ce qu'il y a eu une grève Rachel aussi. Oui, mais après, on s'habitue. Et tu sais l'histoire de ça. C'est parce que Emmanuel Curtil, qui faisait la voix de Chandler, qui fait la voix de Jim Carrey et tout ça. Oui, incroyable, oui, oui. Le comédien de doublage Emmanuel Curtil. Ouais, ouais, ouais, il est formé, il fait des pubs, il fait des... Vous connaissez forcément partout. Sa voix parce qu'il a fait obligé. Tellement de productions. Il a fait le Grinch déjà. Le Grinch. Dessin, oui. Bah, oui. Du dessin animé, il est partout, il fait des seconds rôles dans plein de films. C'est Timon dans Le Roi Lion. Oui, c'est un... ouais, ouais. Le masque et de Zona. Et en fait, quand aux États-Unis, Friends marchait bien, donc les comédiens aux États-Unis, ils pétaient $1 million par film. Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Donc, en France, les comédiens de doublage ont dit, bon, nous, on ne touche pas ça, évidemment, mais... étonnant. Vu que c'est nous qui suivons depuis le début, un petit gâteau, on aimerait bien plus important, être ouais. un peu plus... Ouais. Bah, ils ont fait grève, je crois. Oui, ils ont fait grève et ils ont foutu dehors. Ah et c'est pour ça que ça a changé. Et surtout, la voix de Matt Leblanc, la voix de Rachel, elles ont changé. Et sur toute l'équipe, il y en a la moitié qui n'ont pas voulu céder. C'est ça, bah, 3 sur 6, c'est ça. C'est ça, la voix de Matt Leblanc, la voix de Rachel et la voix de... Oui, mais après, moi, je me souviens... Mais ça marchait, marchait bien. On se réhabitue très vite parce que ça fonctionnait bien. Puis après, moi, je suis une amatrice de VO. Donc, oui, d'accord. Oui, donc obligatoirement. Moi, j'aime la VO. Donc, en VO, les voix ne changent pas. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé de voix. Sauf Dumbledore. Même lui, en VO, il change. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, évidemment. Oh, c'est sombre. Oui, mais d'un autre côté, c'était aussi le problème. C'est que l'acteur qui incarnait Dumbledore est mort entre le 3e et 4e film, si ma mémoire est bonne. Du coup, ils ont dû changer d'acteur. Et je me demande s'ils n'ont pas quand même gardé la même version française. J'ai un doute. Est-ce qu'ils ont changé de voix? Je suis pas sûr qu'ils aient changé. Non, ça c'est Gandalf. C'est un autre vieux barbu qui fait de la magie. C'est pas le même vieux barbu qui fait. Voilà. Il est aussi vieux, il est aussi barbu, il fait aussi de la magie. Mais je préfère Gandalf parce que en soi, il n'y a plus de spoil, mais Dumbledore, pas super. Ah, Dumbledore, un peu perso. Il a un peu perso, il a sacrifié Harry Potter quand même. Oui, mais bon, c'était pour sauver le monde. Tu comprends pas, toi. De toute façon, le vrai héros, c'est Rogue. Mais là n'est pas le débat. Oui. Revenons à nos voix. Voilà, donc du coup, je peux vous parler un peu des gens qui sont morts, puisqu'on y est. Un petit mot joyeux de soirée. Bon, après tu nous parleras un peu des gens vivants. J'ai quelques noms que je vais vous donner comme ça pour vous rappeler. Donc, on a parlé de Benoît Allemann, qui était la voix de Morgan Freeman. Buzz l'éclair. D'énormément de Jean-Louis Lachaussette. Anecdote qui ne parlera que moi. On l'entend encore en ce moment dans une publicité. C'est Oreo. Vous écouterez la publicité Oreo. Très bien. La voix de Benoît Allemann qui est dedans. Petite pause, c'est qui Jean-Louis? Voilà, il faut expliquer. C'est une vidéo du youtubeur Le Joueur du Grenier, un des très gros youtubeurs français, qui, pour un épisode spécial Noël, avait créé un personnage de Jean-Louis Lachaussette qui parle, doublé par Benoît Allemann. Et pour beaucoup de gens, à la mort de Benoît Allemann, ça a été aussi un vrai coup au cœur, parce que beaucoup l'ont connu aussi un peu avec ce personnage un peu décalé, parce que voilà, c'est pour Benoît Allemann, c'était aussi un peu un moment un peu parodique, et donc forcément beaucoup il a fait beaucoup de choses, il a fait tellement de voix, ne serait-ce que Buzz l'éclair, ça a été la voix de l'enfance d'énormément de gens, donc forcément, et il a fait tellement de personnages aussi, ça fait partie des grands comédiens de doublage français. Et pour l'anecdote, une autre anecdote, je vais participer à une production de France Télévisions, là. Mon premier vrai contrat professionnel en tant que... Bravo. Et je remplace Benoît Allemann sur le... Mais non. Donc, c'est-à-dire que... Ça, c'est la fame. Déjà, première pour France Télévisions, la pression, elle est là. Ouais, et on te dit... Tu passes après Benoît Allemann. Le dernier docu qu'ils ont sorti, c'est Benoît Allemann qui l'avait fait. Ah, écoute, tu nous enverras ça, qu'on écoute ça. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, quand ce sera tourné, monté. Il paraît qu'il n'a vu les images que sur fond vert, sans les effets spéciaux. Non, il a pris des notes. Et alors, le Périgord sur fond vert, ça fait peur, je vous le dis. J'ai vu tout le documentaire. C'est un documentaire, c'est un 52 minutes. Très bien. Écoute, moi, ta carrière, elle me passionne. Mais vraiment, je ne suis pas ironique, mais c'est passionnant. Non. Est-ce que tu peux dire aussi après on verra, on a le temps. T'as remarqué qu'il a déjà dit ça il y a une heure. On va arriver à 5h à faire. C'est fini, dommage. Mais c'est vraiment impressionnant tout ce que tu fais. Moi, franchement, je dis chapeau. Il fait les voix off de la radio. Tu fais du coup tes contrats. Je fais un peu de maraîchage en vente directe. Très bonne saucisse. De la charcuterie, voilà. Donc, continue dans la nécro quelques instants. Un autre qui est mort en 2021, c'est pas vieux non plus, c'est Jacques Frantz. Alors, on le voyait dans les séries genre Navarro et tout ça en tant que comédien. Et c'était la voix de De Niro, Mel Gibson, John Goodman, Nick Nolte. Ah ouais. Oui, oui, oui. Il a fait beaucoup de voix comme ça. Incroyable, ouais. Patrick Poivet, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. C'est la voix de Rage. De Rageux, voilà, c'est ça. Sa voix de Rage. De Bruce Willis? Ouais. Oui, voilà, hein, c'était lui, il me semble. C'est ça, c'est ça. Tom Cruise à ses débuts aussi. Ok, oui. De, je crois que dans Cocktail oui, au début. Il a changé de. Ouais, oui, de oui, oui, c'est vrai. C'était, c'était donc Patrick Poivet qui faisait sa voix. Et il a fait pas mal de télévision aussi. Je crois qu'il faisait pas mal de reportages. Ouais, il a fait dans les derniers trucs avant de mourir, il a fait l'émission 4 mariages et 2 okay. miel. Ah, bah oui, oui, effectivement. Ah oui. Incroyable, incroyable. Alors, je vous conseille, quand vous écoutez quelque chose, justement, de prendre le temps d'essayer de décrypter les signatures vocales des gens. C'est super intéressant. Ah non, mais je le fais parfois, Julia Roberts, il y a des voix comme ça qui reviennent, Hermione Granger, et en fait on les retrouve. Moi j'aime bien aussi, tu vois, ce truc avec. C'est intéressant d'aller chercher le grain vocal. Ouais. C'est ça qui était à la radio, on fait souvent ça quand on regarde un film, c'est de dire attends, non mais ça c'est la voix de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Et la voix de Monica dans Friends, je ne saurais pas dire le nom, mais elle revient tout le temps. Partout aussi. Julia Roberts aussi, et Emma Stone aussi. Emma Stone, effectivement. Et pour revenir sur la voix française de Bruce Willis, c'est vrai que dès que t'écoutes les anciennes de 4 mariages pour une, tout de suite tu fais c'est Bruce Willis, et tu le reconnais instantanément parce qu'il a ce même manière de parler, ce même gimmick, c'est très très drôle. Dans la série des gens morts, puisque c'est le thème, en 2019, Med Hondo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'était la voix régulière d'Eddie Murphy. Oui. Bah, on a eu la même réaction, La voix française d'Eddie Murphy, elle est géniale. L'âne de Shrek, évidemment. C'est l'âne de Shrek, magique. Je pensais à l'âne de Shrek. On va pas se laisser emmerder. Mais il y a quelque chose, hein. J'adore. Il est pas mal. Et non, allez, je vous en fais des vivants. Quand même. Brigitte Lecordier. Alors, l'enfance de tout le monde. Là, tu sais. Oui, Sangoku, tous les gamins dans Dragon Ball, dans tous les jeux Harry Potter, PS1, PS2, celle qui fait tous les gamins. Plein de voix de gamins, voilà. Dès qu'il y a des gamins, c'est ça. C'est aussi la voix de Pipoudou dans Pipoudou, qui est une génialissime série française. Pas pour tout le monde. De la production Bobby Pills. Elle a fait énormément de voix dans la série. Moi, je vous laisse parce que là. Énormément de voix dans la série Les Cassos aussi. Voilà. Et elle a une chaîne YouTube où elle. C'est ça. Parle beaucoup de doublage où elle revient sur ce qu'elle a fait, tout ça. Ouais. C'est une comédienne de doublage génialissime elle fait souvent des conventions aussi de pop culture. Elle est très abordable, n'hésitez pas à aller la rencontrer parce qu'elle va souvent dans les conventions. Et c'est l'enfance de tout le monde parce que ça fait des années qu'elle fait du doublage et qu'elle est c'est la voix française de l'enfance de tout le monde. Je peux pas mieux vous dire. Par contre, si je pensais parler de Pipoudou à Fadjet, là je suis à 3h du matin. Alors à 3h55, je pense l'heure de parler de Pipoudou à Fadjet. Pipoudou, mais quand même Pipoudou quoi. Et une autre femme, Dorothée Pousseau. Oh. C'est le deuxième nom que j'attendais. On est bien d'accord. Mais toi, t'es calé. J'aime beaucoup les conventions. Je suis beaucoup l'univers des comédiens de doublage. Margot Robbie, notamment. Harley Quinn, notamment. J'aime pas. Je suis désolée. C'est le moment où je casse votre délire. Je n'aime pas Suicide. Non. Alors les voix magiques. Je n'aime pas Suicide Squad. Alors c'est pas non plus notre take. Pas Branjon. Je n'aime pas Suicide Squad. Je suis désolée. C'est le moment polémique, mais Suicide Squad. Tout le monde va être d'accord avec toi, je crois. Personne n'a. Peu de gens ont aimé Suicide Squad. C'est très décalé, ça claque pas. Magnifique voix française et magnifique mais elle voix. Elle fait aussi beaucoup de second rôle en tant que comédienne. Okay. Voilà, et elle fait énormément aussi dans du dessin animé. Beaucoup de voix aussi de dessin animé. Et allez, un dernier pour le fun, Adrien Antoine. Celui-là, je sèche un peu. Voilà. Mais vous l'entendez, vous l'avez entendu. Si vous suivez un peu le DCU, le MCU, si vous suivez un peu tous ces univers, même pas ce que c'est le Marvel, Marvel et DC, DC Comics, les super-héros, Iron Man. Comment s'appelle? Tony Stark. Robert Downey Jr. Non, c'est pas lui. Non. Il fait Chris Hemsworth. Thor. Henry Cavill dans les Superman du côté DC Comics. Très bien. Ashton Kutcher dans certains films. Ah, moi ça me parle. Adrian Brody. Ok. Voilà. Ok. Voilà, en gros. Et puis autrement, il y en a un qu'on entend aussi beaucoup en publicité et qui fait pas mal de dessins animés. Notamment le truc avec les Lemmings. Là, je cherche le nom du dessin animé. Il y a un ours avec des lemmings, je sais pas si vous voyez. Il fait l'ours. Les rebelles de la forêt. Non, c'est... Non. C'est enfin, le nom de l'ours et les lemmings. Voilà, c'est ça. Et c'est Padge, Pierre-Alain de Garrigue. Ah, alors moi, je le connais pour une autre voix, Pierre-Alain de Garrigue, qui est la voix du jeu Hearthstone, ouais, où il faisait le tavernier dans Hearthstone, ouais. Une voix qui a marqué beaucoup de joueurs, notamment avec son film Légendaire Doré, qui a marqué énormément de joueurs. Pierre-Alain de Garrigue, pour être plus précis. Vous pouvez l'entendre dans les pubs genre Carte d'Or. Oui, il fait énormément de voix. Genre Shen Yun, là, le spectacle qui passe en ce moment, c'est lui qui fait la bande-annonce. C'est enfin, Grisy. Et les lemmings, je suis allée voir sur internet. Hein. Journalisme d'investigation quand même. Hein, vu, entre, on est sérieux. En direct. Grizzly et les lemmings, incroyable. Merci Google. Voilà. Voilà pour ces petites... C'est ça. Effectivement. Et aller découvrir les voix, c'est tout ça. C'est intéressant. Je vous conseille... C'est un métier qui s'est vraiment redoré depuis une dizaine d'années. 10-15 ans, parce qu'avant, le comédien de doublage était plutôt mis de côté par rapport aux autres comédiens. Tout à fait. Et ça a explosé dans le bon sens pour eux. Je vous conseille deux vidéos de la chaîne McFly et Carlito qui font des blind tests de comédiens de doublage, c'est-à-dire que les comédiens viennent, parlent avec leur voix de personnage et donc les youtubeurs doivent essayer de retrouver qui c'est. Et c'est très drôle de voir aussi les têtes des gens, notamment je pense à la voix française d'Harry Potter, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui a une tête absolument à l'opposé de Daniel Radcliffe. Et tu l'entends parler avec la voix d'Harry Potter, ton cerveau bug. Ça fait bizarre. Ton cerveau bug, tu fais, mais c'est pas la bonne tête avec la bonne voix, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Et c'est très très drôle. Un grand bravo à tous les comédiens de doublage aussi, hein, évidemment, qui ont un métier pas facile et qui est un petit peu menacé en ce moment, bon, la technologie permet pas encore de trop faire un truc cohérent, mais pense à eux. Ça va venir, malheureusement, je pense. Que les voix off seront faites de façon numérique. Peut-être. Ça évolue vite, malheureusement. En attendant, soutenons les voix françaises, bien sûr. Et n'hésitez pas à les découvrir. Brigitte Lecordier, Dorothée Pousseau et tous les beaux noms que tu nous as cités, évidemment. Et donc, bientôt, Stéphane Collin en voix de. Je crois qu'il y a la voix. Je peux faire les taverniers aussi. Voilà. On peut s'amuser. Hein, le prochain Morgan Freeman. Voilà, je le dis, bien sûr. Ouais. Je vous laisse sur ce suspense.